message aux décideurs en entreprise. Vous souhaitez améliorer vos procédés industriels? Renseignez-vous sur nos mesures d'efficacité énergétique concernant l'éclairage, la réfrigération, le séchage, la ventilation et la compression. Réaliser des économies d'énergie tout en profitant d'un appui financier, c'est plus qu'une bonne affaire. Pour en savoir davantage sur le programme Système industriel, rendez-vous sur hydroquebec.com/affaires. Un choix d'affaires rentable et responsable. Un message d'Hydro-Québec. C'est le retour du Club des 144. À gagner, 12 crédits voyage de 1 500 $ à l'agence de voyage Solange Goulet. 40 certificats cadeaux de 50 $ dans les établissements suivants. Restaurant Pop d'Orsay, Restaurant Poisson d'Avril, La Caserne du Lin, Sillon le Disquaire, Resto-Bar Le Cercle, Café Nagua, Bar Le Sacrilège, Michel Bilodeau, coiffure et styliste. 144 $ le billet, seulement 325 billets d'émis. Vous avez jusqu'au 9 février pour acheter votre billet. 640-2575, poste 201 ou ckrl.qc.ca. Autorisé par la Régie des alcools, des courses et des jeux. J'essaie de réfléchir le sujet, mais la musique, ça sort souvent de façon instinctive. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est en votre compagnie pour cette belle soirée de tempête. Si vous écoutez en balado-diffusion, ben, il fait probablement beau. Donc, comme à l'habitude, ben, j'ai parcouru Internet pour vous. Je vous ai ramassé une belle sélection de musique. Ce soir, on va commencer en Lyon. On va aller un peu dans le métal, un peu new wave, un peu de musique dans ce genre-là. Puis on va glisser un peu vers l'électronique. Puis on va finir avec une petite pièce de jazz. Donc, encore une fois, une sélection assez éclectique. Si ça vous intéresse, si vous aimez les pièces, bien, c'est possible de les télécharger gratuitement. Pour ça, vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org et vous avez les liens vers les artistes pour télécharger les pièces. Donc, on va débuter avec un artiste qui est sur l'étiquette Eden Shoal Recordings. C'est une étiquette qui nous vient de l'Australie. L'artiste s'appelle Iretsu. Je vous fais passer sa pièce Six Bump Hillbilly Stomp. Ensuite de ça, ça va être un artiste italien, ou plutôt un groupe italien, qui s'appelle Confusion is Next. C'est sur l'étiquette italienne Eclipsy. Je vous fais passer la pièce Ice Cream, Therefore I Am. Vous écoutez Web Musique sur les ondes de CKRL. We'll be right back. C'était la pièce Ice Cream, Therefore I Am par le groupe italien Confusion is Next. C'était sur l'étiquette Eclipsy, une étiquette qui vient de Milan, en Italie. On avait débuté avec le groupe Iretsu, la pièce Six Bump Hillbilly Stomp. C'était sur l'étiquette Eden Shoal Recordings, une étiquette qui nous vient de l'Australie. On va aller du côté de l'Allemagne cette fois-ci. J'ai deux pièces qui sont sur l'étiquette EF Music, donc une étiquette allemande, que, comme je vous disais. La première s'appelle Acids, c'est par un groupe russe qui s'appelle The Forced Oscillations. Donc c'est un hommage à un groupe punk légendaire russe dont je ne peux malheureusement pas vous prononcer le nom parce que c'est en russe. Donc c'est ça, la pièce s'appelle Acids. Ensuite de ça, un groupe vraiment sympathique, je pense que c'est peut-être ma découverte de la semaine. C'est un groupe italien qui s'appelle The Transistors. Je vous fais entendre la pièce Electromagnetic New Wave. Pour tout de suite, The Forced Oscillations avec la pièce Acids. Leur album est vraiment excellent. Je vous recommande donc de télécharger les The Transistors. C'était la pièce Electromagnetic New Wave, un groupe qui nous vient de l'Italie. Avant ça, c'était The Forced Oscillations, un groupe qui vient de Moscou en Russie. C'était la pièce Acids. C'était deux pièces sur l'étiquette AF Music, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. Donc, pour poursuivre l'émission, ben, je vous fais découvrir un label qui vient de l'Indonésie, qui s'appelle Yes No Wave Music. C'est un label qui donne dans le New Wave, dans le punk, metal. Donc, vu qu'ils sont en Indonésie, j'imagine qu'ils doivent avoir beaucoup de problèmes avec le gouvernement, avec le genre de musique qu'ils diffusent. Donc, je vais leur poser la question pour voir comment ça se passe pour eux. Donc, on va débuter avec The Upstairs, un groupe vraiment, vraiment très drôle que j'adore. Je vais passer la pièce, attendez un peu, c'est en indonésien. Ku Nobatkan Jadi Fantasy. On va dire que c'était ça. Puis ensuite de ça, je vous fais entendre Coffin Cadillac. C'est assez, c'est à la limite du hardcore. Donc, pour tout de suite, des artistes qui sont sur l'étiquette Yes No Wave Music. On entend The Upstairs. We'll be right back. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là, il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval. Disponible gratuitement tous les mardis. Vous aimez la radio culturelle? De la culture, notre carte de membre en est pleine. Des rabais de 4 $ au Théâtre Périscope, de 3 $ au Théâtre de l'Abordé. 10% de rabais chez Sillon le Disquaire et à la librairie Pantoute, de 15% de rabais au Théâtre Le Trident. La culture n'aura jamais été aussi accessible en devenant membre de CKRL. Adhérer, c'est facile. Sur le web au www.sillon.com, appelez au 640-2575 ou venez nous voir au 405 3e Avenue. Seulement $25 pour les membres partenaires. Du nouveau cette année, devenez membre de soutien de CKRL pour seulement $10. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy en votre compagnie. Avant la pause, on avait entendu des groupes qui nous viennent de l'Indonésie sur l'étiquette Yes No Wave Music. On avait entendu tout juste avant la pause Coffin Cadillac. Bon Dieu, je me rends compte que j'ai même pas mis le titre de la pièce qui s'appelle Into the Sun. Avant ça, c'était le groupe The Upstairs. La pièce s'appelle en indonésien Ku No Batkan Jadi Fantasy. Aïe, aïe, aïe, c'est un peu dur, l'indonésien. Donc, pour poursuivre l'émission, on va délaisser un peu le rock, les guitares et tout ça. On va se diriger vers un peu de musique électronique. J'ai découvert une étiquette vraiment intéressante qui s'appelle Epocamp. Ça vient de l'Angleterre. C'est des artistes qui sont vraiment originaux. C'est une belle découverte dans mon cas. J'espère que vous allez apprécier. Je vais vous faire entendre ces 5 pièces. On va débuter avec Pot SQ, la pièce 4C, donc Pot SQ qui vient de l'Angleterre. Ensuite de ça, toujours de l'Angleterre, de la ville de Manchester, je vous fais entendre Drugs. La pièce s'appelle Woody Wood Heckler, c'est un genre de pièce électro et pop. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ensuite de ça, de l'Australie, on a 11T1, je vous fais entendre la pièce Guac Off. J'ai aucune idée de ce que le titre de cette pièce veut dire. Ensuite de ça, ça va être Battery Collection, la pièce The Way It's Supposed to Feel, Battery Collection qui nous vient de l'Ohio. Et ensuite, on va terminer ce bloc-là avec Mercury Effect, un groupe de Chicago. Je vais entendre leur pièce Delicate Standard. Pour tout de suite, Pot SQ, la pièce 4C. close. Ten need to know what you like in this. Price to think you ever need me, I slice my wrist. Teach you like a bitch, seven that. You got me for my niggas at the street, girl, I'm living that. With a clock, that's the sound of the mini now. Where we at? Uptown, where it's really at. Give me that. I want the bass in the yacht. Advance on the spot, we can dance to the yacht. Put my hands in my knot, don't do the dog. Can't do the bomb. Me man, disrespect, but it's gone. Opened up my eyes today. This is the remix. Sun shining on my face. Come on. It became so clear to me that everything is going my way. I feel like there's no way. Got you on my mind, top Puerto Rican diva from the east side on East Side. Let me freak out on the dance floor, bring your pants off. We just trying to get the dance floor. That's the last tour. One, I ain't got a glass door. Better run when you see me coming through the back door. Crack small, I give it all for my brother. Two things I don't share, that's the money and my love for honey sister. Gotta adapt for real. Say it, ask girl, you know I'm a better slap for real. Your girl, you know we never fight. Don't you say my soul, I'm so good. Thank you. C'était vraiment excellent, cette pièce-là. Donc, c'était Mercury Effect, la pièce Delicate Standard. C'est un groupe qui nous vient de Chicago. Avant ça, c'était Battery Collection, la pièce The Way It's Supposed to Feel, un groupe de l'Ohio. Puis, c'était précédé par un groupe australien qui s'appelle 11T1. C'est la pièce Guacoff. Avant ça, de l'Angleterre, la ville de Manchester, pour être plus précis, c'était Drugs, la pièce Woody Wood Eccle. Puis, on avait débuté ce bloc-là avec le groupe Potescue, la pièce 4C. Donc, tous des artistes qui se retrouvent sur l'excellente étiquette Hippocamp. Une étiquette qui nous vient de l'Angleterre que je vous recommande. Le catalogue est complètement pété. Ils ont des trucs vraiment variés, des artistes qui sont vraiment originaux. On poursuit l'émission Web Music avec un artiste qui m'a contacté pour présenter ses pièces. L'artiste s'appelle KJ House. C'est un artiste qui vient des États-Unis. Je vous fais entendre sa pièce « Who are these guys? » Ça peut être téléchargé gratuitement sur Jamendo. Donc, je vous invite à venir sur le site de l'émission pour télécharger cette pièce-là et les autres aussi. C'est un artiste vraiment intéressant. Ensuite de ça, je vous laisse avec un peu de jazz. On va entendre le groupe russe Nien Vox. Je vous fais entendre la pièce « Four Stones ». C'est donc du New Jazz, c'est sur l'étiquette Bumpfoot, une étiquette japonaise. Pour tout de suite, on entend KJ House, la pièce « Who are these guys? » Thank you. C'était Nien Vox, un groupe russe, la pièce Four Stones, c'est du new jazz sur l'étiquette Bumfoot, une étiquette japonaise. Avant ça, ben, c'était un artiste qui m'a contacté pour me soumettre ses pièces, donc je suis toujours assez sympathique envers les artistes autoproduits. Donc il s'agit de KJ House, un Américain. Sa pièce s'appelait Who Are These Guys? Donc vous pouvez télécharger ça sur Jamendo, puis ben, comme toutes les pièces de l'émission, vous pouvez les télécharger gratuitement. L'émission est également disponible en balado-diffusion, donc pour télécharger tout ça, vous vous rendez au www.webmusique.org. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Ça va être tout pour moi ce soir. Jason Vlasak est malheureusement pas là pour son émission Jazzimus actuelle, mais il a quand même laissé sa sélection. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Pour moi, ben, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Musique. Puis d'ici là, ben, je vous souhaite de télécharger plein de pièces dans le temps des fêtes et on se dit à la semaine prochaine. Bonsoir. Les Nuits en Musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et worldly, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même les dimanches. Bonsoir. Moi, je donne avec générosité un beau lot à tous ceux qui nous souhaitent un joyeux Noël. En cette belle nuit de Noël, je suis plus capable. Sans spécial Noël, les auditeurs de CKRL ont droit à une pause santé musicale, une fontaine de jouvence, une salade de fruits bien juteuse. Heat it up. Des chansons idiotes qui parlent de cadeaux. De rêve, de rêve, de traîneau, de traînerie, d'école, de routine et de machine bizarre et de repas. J'ai parlé à la pierre. J'ai dit, Pierre, sors de ma vésicule biliaire. Je te l'ordonne. Tout cela au nom de l'amour de Jésus. Avec Denise Leclerc et Claude Brin d'Amour, dimanche le 21 décembre de midi à 5. This is Hugh Dillon from the Headstones. You're listening to CKRL 89.1 Quebec.